J'ai essayé de demander pardon pour ce que j'ai fait, pour ce que je suis. J'ai beau essayer, ça n'y fait rien. 99, j'arrive en France, man, j'avais des rêves. Il me reste plus que des cauchemars, mais t'inquiète, je suis déter. En 6ème au collège, avec mes sandalettes. Excusez-moi, je n'ai pas votre mode, ni votre mental bête. Je connais son père vécu de saoudien de Mahorais. Premier de la classe, et je suis en retard, c'est le décalage horaire. Dès la rentrée, je rencontre mon pote TRT. Que je compte sur ma main gauche, 10 années sans RTT. Je suis un gars bien qui vit avec sa petite famille. Merci papa, maman, je ne connais pas la famine. Mon sac d'amis s'étend et les vrais posent leur tente. Posé sur un banc, on squattera pendant tant d'heures. Les années passent, j'arrive à 16, puis j'étais heureux. Je me dis que ce sentiment n'est plus qu'un vestige. Investis de larmes et de peine, je crois que je suis dépressif. Comment se fait, c'est dans la suite que tout ça se précise. Tout ne serait pas si mal si tout n'était pas si naze. Mais la qualité est en moi et c'est le principal. Pour mes erreurs, je vais être coupable, je vais pas rejeter la faute. Le destin, la fatalité, m'en laisse à d'autres. Tout ne serait pas si mal si tout n'était pas si naze. Mais la qualité est en moi et c'est le principal. Pour mes erreurs, je vais être coupable, je vais pas rejeter la faute. Le destin, la fatalité, m'en laisse à d'autres. Année 2005, papa et le soleil sont partis. La guingue s'agrippe, moi je deviens gris comme David. La peine me baisse la tête, donc je baisse les yeux. Ne vois pas le mur vers lequel je dirige mes pneus. Je viens alors redoublant, le TH et m'envoie, j'arrête, mais c'est redondant. En mai au stoppo et je viens virer de mon lycée. Je le sais pas encore, mais maman je l'ai aussi tué. Je continue mon bise de ça qui me permet de sortir de me vêtir, merci internet. 2009 la douane arrive et me coupe les vivres. Mais j'ai les études sérieuses, je dégoûte le vice. Il m'a pas cru, il m'a pas aidé. Sauf le clone Campbell et dire que moi je voulais juste être funky comme Ben. Comme Vivian, moi de mes rêves, je vais atteindre le sommet. Ma gueule en poster on the radio comme Donna Summer. 2010, je suis à un appel de savoir que mon c'est, mais moi ça va. Tout ne serait pas si mal si tout n'était pas si naze. Mais la qualité est en moi et c'est le principal. Pour mes erreurs, je vais être coupable, je vais pas rejeter la faute. Le destin, la fatalité, m'en laisse à d'autres. Tout ne serait pas si mal si tout n'était pas si naze. Mais la qualité est en moi et c'est le principal. Pour mes erreurs, je vais être coupable, je vais pas rejeter la faute. Le destin, la fatalité, m'en laisse à d'autres.